¡Bam! ¡Bam! Esto es lo que los turcos amigos de Europa están haciendo con los demócratas kurdos. Ahí he puesto una conversación con un músico islámico asesino. Entonces, ¿qué hacemos con el régimen turco de Berlín? Todo forma parte de la misma crisis. Mi padre, mi novia, mis amigos. Josefina, que es capítulo aparte. Fumo demasiado tabaco y poco de lo verde. On dit parfois, je ne sais plus de quel bord tu m'as pris. Cette répétition de mon sna, tu te prends pour quel type d'être? Bon, tu pourrais te poser les mêmes questions à mon égard à cause de la maladresse de ma poésie et son interpellation de l'autre. Ou bien si tu considères que Joséphine pouvait me traiter comme un homme. Depuis mon passage à la clinique sinistre de Saint-Cloud et l'introduction de l'anaphranie, j'ai des passages à l'acte, des conduites destructrices et je me sens en somnambule ou quelqu'un sous hypnose. Et lui répond, essaye de faire du yoga, de pratiquer des exercices quotidiens de respiration, de contrôle de la pensée et surtout d'arrêter de fumer du tout. Je lui réponds, très bien, pousse. En faisant des tractations avec l'Iran et l'Arabie Saoudite, Hollande vend l'Europe à l'extrême droite. Je me suis concentré pour ça, tu crois pas ?